Alors, choisir sa mort avant qu'elle ne vous choisisse. C'est bien. On n'a pas choisi sa vie. Elle nous a choisis. Et si la vie nous a choisis et que nous n'avons pas de libre arbitre, comment prétendre choisir sa mort? C'est une bonne question que je ne m'étais pas posée avant de suggérer le titre. Premièrement, on va élaborer un peu sur le phénomène de la mort. Qu'est-ce que la mort? Parce que l'homme ne sait pas ce que c'est que de la mort. La mort, ce n'est pas la disparition du corps physique. Ça, c'est le plan de vie du corps. C'est la mort du corps. Ce n'est pas la mort de l'homme. Ce n'est pas la mort à boire. La mort, ce n'est pas non plus la transition du corps ou de l'âme, du corps astral, de l'âme. Après la perte, ou après avoir quitté le corps physique, vers un monde meilleur, un ciel où on s'assoit à la droite du Père, où on va dans un monde purgatoriel dans le but de payer, parce que le Dieu de pardon ne pardonne pas. Et on doit maintenant payer pour ce qu'on a fait sur ce monde, alors qu'on était manipulé au départ. Et après avoir payé suffisamment, quelques dizaines ou quelques milliers d'années ou quelques millions d'années, on arrive à ce ciel où on joue de la harpe le reste de l'éternité. Nécessairement, en envisageant même le phénomène de la mort qui nous projette dans un nirvana, dans un plan céleste, ça ne répond pas aux questions de l'homme qui pourrait lui demander à quoi sert simplement la vie, à quoi sert simplement l'existence, à quoi sert simplement Dieu, à quoi sert simplement d'être. Ce sont des questions sur lesquelles on pourra revenir ce soir ou sur lesquelles je reviens de toute façon dans d'autres conférences. Mais la mort, ce n'est absolument pas le fait que l'âme quitte le corps physique et va dans un monde meilleur. Le monde n'est pas meilleur. Les mondes sont écologiques, les mondes sont adaptés. Et ce n'est pas non plus le fait d'une transition entre une prochaine vie, simplement dans l'idée même que l'être humain, dans son âme, gagne le monde de la mort. Et là, il revoit les fautes, les erreurs qu'il a commises dans sa vie. Et par la suite, il se repose et il prépare sa prochaine réincarnation, choisit sa famille, choisit son corps, choisit la couleur de sa peau, son état, son pays, et revient. Ça, c'est aussi une farce. Ça permet aux humains de bien dormir. Et ça permet à certaines personnes de mieux affronter le phénomène de la mort. La mort, ce n'est pas cela. La mort, c'est la perte de conscience. La mort, c'est donc la phénoménologie humaine, planétaire, qui permet à l'âme, c'est-à-dire à ce que vous êtes vous en tant qu'identification, c'est-à-dire au je, au moi, aux mémoires, à ce qui a des désirs, à ce qui vit des émotions. La mort, c'est donc ce qui permet à l'âme de gagner un plan où cette âme est totalement détruite, digérée et fusionnée à tout ce qui ressemble à la même chose. Ça, c'est la mort. Et c'est cette mort que l'homme vit depuis que l'homme a une conscience amique, puis que l'homme a une conscience astrale, donc depuis finalement que l'être humain a la conscience d'être dans une mémoire. Bien entendu, pour beaucoup de personnes, c'est absolument non acceptable. L'idée est que lorsque l'être humain meurt, il gagne un monde où il meurt. Et le fait que dans ce monde de la mort, le ciel, l'être humain soit totalement dispersé, c'est-à-dire que ce qui le constitue soit totalement digéré par la substance astrale, le monde de la mort, le ciel, permet évidemment d'expliquer pourquoi lorsqu'on vient au monde, on ne se rappelle jamais qui on a été. Et permet d'expliquer aussi pourquoi, à la longue, les fantômes cessent de nous communiquer, de nous parler. Et permet d'expliquer aussi l'idée même qu'on peut se faire d'une évolution dans le monde de la mort. D'une personne extrêmement avare, ou d'un criminel, ou de n'importe qui par le biais de voyants, de médiums, disons, spiritisme, Après 10, 15, 20, 30 années, ils deviennent moins violents, moins perturbateurs. C'est normal parce qu'ils sont en train de se faire digérer. Et les parties qui se font digérer en premier sont les parties les plus basses, les plus denses, les moins vibrantes, que sur ce monde planétaire, on appelle les défauts. Un défaut est simplement une qualité qui n'est pas à la hauteur des autres qualités. Alors, lentement, il s'améliore et puis finalement, on perd le contact. Ça va de soi, il n'est plus là. Les religions disent que lorsque l'être humain va dans le monde de la mort, il retrouve pour l'éternité ceux qu'il a aimés. C'est exactement ce que je dis. On va dans le monde de la mort, on se disperse, c'est-à-dire qu'on est carrément digéré, et on se fusionne à des mémoires qui ressemblent aux nôtres. Et normalement, ceux qui sont morts, dans ceux que nous avons connus, ceux que nous avons aimés, qui sont morts avant nous, eh bien, les parties avec lesquelles nous avons vibré, nous nous fusionnons à celles-là. Ce qui fait que nous sommes fusionnés à jamais, nous avons donc retrouvé à jamais ceux que nous avons connus et aimés. Et cela pour l'éternité, c'est-à-dire que l'évolution n'étant pas rétroactive, ni rétrograde, pardon, nécessairement, il n'y a pas d'involution à partir du point où nous sommes rendus. Cela veut dire que la mort, c'est la perte de la conscience, c'est la perte de la faculté d'émotion, c'est la perte aussi de la faculté d'identification. Alors, qu'est-ce que choisir sa mort avant qu'elle nous choisisse? Lorsque la mort choisit l'homme, elle vient simplement se nourrir de la substance psychologique de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a ce monde de la mort dans lequel vague à des occupations très catholiques dans l'égrégore catholique, très juif dans l'égrégore juif, très bouddhique dans l'égrégore bouddhique, des mémoires qui, lorsque l'être humain vient au monde, sont données à l'homme. On appelle cela d'ailleurs une âme, on appelle cela la réincarnation. Et cela permet d'animer un corps physique tout au long de la vie du corps physique, obligeant par le corps physique l'expression de l'âme dans de l'émotion. Et l'émotion est toujours exprimée dans le corps physique de l'homme par le système endocrinien, c'est-à-dire que l'émotion est excrétée dans le corps physique sous forme d'hormones, ce qui accélère le corps, ce qui fait transpirer, ce qui fait rougir, ce qui fait rire, ce qui fait pleurer. Chaque émotion est hormonalement exprimée dans le corps physique. Et cette expression est une information qui devient une nourriture, une expérience qui nourrit le monde de la mort, celui qui vous manipule. Et lorsque le corps physique a été totalement épuisé par cette agression astrale continuelle, le corps physique ne peut plus supporter l'âme, il dépérit, il souffre d'une maladie de dégénérescence qu'on appelle le vieillissement, et à un moment donné, il meurt. Je ne parle pas de l'accident, l'accident c'est le même phénomène, sauf que ce n'est pas nécessairement dû à l'âme qui est dans le corps qui est accidenté. L'humanité, depuis que l'humanité a sa conscience, a essayé de connaître le monde de la mort. Ceux qui sont parvenus à connaître un peu le monde de la mort ont essayé immédiatement d'empêcher l'âme de gagner le monde de la mort. Ils ont voulu empêcher l'âme de mourir. Les autres religions parlaient de l'immortalité de l'âme. Et ils sont bernés elles-mêmes. L'âme, dans ce qui la constitue, elle est immortelle. Mais dans la forme constituée, elle est absolument changeante. Elle change dans vos corps physiques. Vous n'avez pas l'âme que vous aviez il y a 2 ans. Vous n'aviez pas l'âme que vous aviez lorsque vous aviez 10 ans. Déjà là, l'âme est déjà en mutation et elle change régulièrement. Ce n'est que parce qu'on a une idée de la mémoire qu'on pense qu'on est encore ce qu'on a été. Alors, il y a eu les momifications. Dans le but de conserver le corps physique pour faire en sorte que l'âme reste proche du corps physique et ne gagne pas le monde de la mort, on a momifié ceux qui avaient l'argent et la richesse, ou encore la force manipulatrice de façon à manipuler les individus. C'était normalement les pharaons. Mais il n'y a pas eu que les pharaons, il y a eu évidemment les Aztèques, il y a eu le phénomène Maya Inca, il y a eu énormément d'autres races qui ont tenté la momification. Il y a eu Bouddha, qui a suggéré de ne pas vivre d'émotion, qui a suggéré de vivre une voie du juste milieu, mais le juste milieu n'était pas un juste milieu psychologique, qui fait dire que trop fumer, c'est fumer plus que moi. Le juste milieu, c'est comme je fume. Ce n'est pas ça, le juste milieu. Ça, c'est un juste milieu psychologique. Mais Bouddha, il a dit que de toute façon, la naissance était souffrance, que l'émotion était souffrance, que toute rencontre était le début d'une séparation et que la mort était souffrance et que l'être humain, s'il voulait arriver à s'en sortir, il devait absolument ne plus souffrir. Et à travers toutes les lois qu'il a pu exprimer dans le langage de l'époque, qui a été traduit et même mal traduit, il exprime finalement l'idée que si on n'a pas d'émotion, on ne meurt plus. Alors que les forces astrales, le monde de la mort, ce qui manipule l'homme, induit dans sa conscience l'idée que nous devons d'avoir de l'émotion, que c'est humain d'être émotif, et que si on n'a pas de l'émotion, on est soit un animal, soit un robot. On est de toute façon yark. Alors que l'émotion est ce qui détruit le corps physique de l'homme, alors que l'émotion est ce qui tue l'homme, alors que l'émotion est ce qui rend l'homme extrêmement manipulable. On a fait une conférence sur l'amour n'existe pas, c'est bien simple. Vous n'avez qu'à m'aimer. Maintenant, je peux vous en donner des bêtises, mais vous faire souffrir. Si vous ne m'aimez pas, moi vous donner des bêtises, ça ne vous touchera pas. Chaque fois que l'être humain exprime une émotion, il sécrète dans son corps physique des hormones. Vous tentez une expérience, ou bien vous avez déjà expérimenté un accident, vous avez un accident. Et la première chose que les ambulanciers, les techniciens ambulanciers ou que les médecins vont faire, si vous avez un accident relativement grave, ça va être de vous ouvrir une veine, c'est-à-dire de mettre une aiguille dedans, et de connecter à ça un soluté. Un soluté habituellement salin. Qu'est-ce qu'on veut faire? Premièrement, on veut augmenter la volumétrie sanguine, c'est-à-dire qu'on veut vous mettre du liquide, en admettant que vous avez perdu du sang. Et même si vous n'en avez pas perdu, votre corps peut réagir comme si vous en aviez perdu. On en met. Ça rassure le corps physique, alors il cesse de virer fou et il cesse de risquer de vous tuer. En plus, évidemment, ça permet d'avoir une veine ouverte, ce qui fait qu'à un moment donné, si vous avez une constriction trop grande des vaisseaux qu'on ne peut plus mettre d'aiguille, eh bien, on a déjà ouvert une veine, alors on peut mettre du sang, on peut mettre ce qu'on veut. L'idée est de lutter contre un état qui s'appelle le choc. Un état de choc qui tue plus de victimes que l'accident lui-même. Un individu se coupe la main, assez gravement. Alors, il est le téléphone. Il appelle le voisin arrive, l'individu est encore debout, mais non, il est assis. Et quand il y a un peu de sécurité, tombe dans les pommes. C'est ça le choc. Là, à un moment donné, là, ça y est, là, paf, c'est ça le choc. C'est un choc psychogénique créé par la psychologie. S'il saigne énormément, c'est un choc qui est relié simplement à la perte de sang. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive dans cet état de choc que le corps physique, percevant la perte de sang, réagit. Alors, il sécrète des hormones. Il y aura une accélération cardiaque, comme quand vous avez peur. Il y aura une vasoconstriction périphérique. L'individu devient blanc, manque de sang en périphérie, pour donner plus de sang à l'intérieur. D'ailleurs, le soluté permet justement d'aider. Comme les personnes qui deviennent blanches. Blanches de peur, blanches de n'importe quoi. Après un laps de temps, il peut y avoir dilatation des vaisseaux parce que le système d'adrénaline finit par tuer le corps. Alors, l'individu devient rouge. Mais c'est un système hormonal qui crée cela, exactement comme quand on est rouge de honte, rouge de colère. Il y a des sécrétions d'autres phénomènes hormonaux qui peuvent dilater ou encore contracter la pupille, comme l'individu qui met ses mains en colère. Il y a l'arrêt du mouvement digestif. Il peut y avoir accélération, comme celui qui est nerveux avant une compétition ou nerveux avant un examen, puis qui chie dans ses culottes. Il va y avoir transpiration froide. La peau peut être moite et froide, elle peut être humide. Et c'est encore un état de choc. Et si on étudie totalement les différents états de choc, les chocs septiques, les chocs psychogéniques, les chocs cardiogéniques, tous les phénomènes de choc physiques, et qu'on regarde comment le corps réagit, eh bien, on peut constater que dans n'importe quel phénomène d'expression de l'émotion, le corps a des similitudes de réaction. Et on sait très bien qu'une personne qui vit des états de choc trop fréquemment va en mourir. Elle s'use le corps. Elle va vieillir. Celui qui vit des émotions s'use le corps et vieillit aussi. L'émotion, c'est exactement comme si on peut dire, donne une claque à quelqu'un en pleine sur la rue et tu viens de donner 800 caisses d'œufs de nourriture aux forces d'involution, au monde de la mort. Il vient de sécréter suffisamment que ça donne ça en nourriture. Violer une fille, vous allez donner des millions de caisses de nourriture au monde de la mort. Alors, faites en sorte que la drogue se promène sur le plan planétaire et que les jeunes se droguent et que ça sécrète, que ça souffre. Le bad trip, il revient, ça sécrète énormément. Il s'use le corps physique. Et là, ce sont des milliards de caisses de nourriture qu'on donne au monde de la mort. Alors, pourquoi l'être humain est-il manipulé à évoluer? Pourquoi l'être humain est-il manipulé à souffrir tant, à émettre autant d'émotions? Aime-moi! Et après ça, tu pourras être jaloux, tu pourras être inquiet, angoissé, tu sécréteras. Et c'est le secret de la nourriture du monde de la mort. Et lorsque le corps physique est totalement usé, eh bien, vous avez en vous suffisamment d'expérience émotive que lorsque vous mourrez, c'est là que vous allez. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Chaque département du monde de la mort, on appelle ça des paliers. On peut appeler ça les forces purgatorielles, la force infernale, les différentes forces purgatorielles, les forces célestes, hautement spirituelles. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Chacune d'elles, ils vont chercher chez vous ce qui va les nourrir. Alors, votre âme gagne le monde de la mort, la partie colérique, nourrit une partie colérique. Alors, vous n'êtes plus colérique, vous continuez à monter. La partie qui avait peur, nourrit la partie qui a peur, vous continuez à monter. Et finalement, la partie hautement spirituelle arrive dans les hautes sphères spirituelles et vous nourrissez ces parties-là. Mais vous, comme vous êtes présentement, cherchez-vous plus, vous n'existez plus, vous êtes mort. Chaque constituant de votre âme est là, fusionné à d'autres constituants de l'âme, et la réincarnation se fait pluralitaire, c'est-à-dire que c'est un paquet de mémoires qui sont attirées par un corps physique qui se réincarne, et c'est pourquoi l'individu a des qualités de son grand-père, peut-être d'un vieux marin, un peu de sa mère. Il est fusionné pluralitairement et il est la réincarnation d'un paquet de mémoires, d'un paquet d'individus. À l'adolescence, il y a une lutte entre ces mémoires pour savoir qui va prendre le contrôle, crise de l'adolescence, et on doit fusionner et sevrer émotivement l'individu, ce qui dans nos sociétés ne se fait pas, il n'y a pas de sevrage émotif. Pour ceux évidemment qui m'entendent pour la première fois, c'est rapide, c'est vite, c'est beaucoup de neuf, c'est peut-être même un peu flyé ou complètement fou. Chose certaine, c'est que aller voir une personne qui souffre d'angine, rendez-la heureuse. Rendez-la heureuse. Vous allez la tuer. Tu viens de gagner 1 million à la loterie. 45 ans, un infarctus, souffre d'angine de poitrine. Crise de cœur, puis elle peut en mourir. Pourquoi vous l'avez rendue heureuse? C'est ça, vous l'avez fait sécréter un peu trop, le corps est trop usé. Oh, vous pourriez aussi lui dire simplement que son mari vient de se suicider. Elle peut aussi faire une crise de cœur. C'est la même chose. Elle sécrétera hormonalement, elle exprimera trop d'émotions et elle pourra mourir. Alors, vous écoutez une partie de hockey et vous êtes angineux, c'est dangereux. Ah oui, parce que l'émotivement vous embarquez, donc vous sécrétez, et puis c'est dangereux, ça use le corps physique. Alors que l'émotion soit l'apanage de l'humain, on peut dire aussi que la mort est l'apanage de l'humain. Maintenant, l'être humain est manipulé justement parce qu'il est assujetti au facteur des mondes de la mort, c'est-à-dire que par un canal réincarnationnel, ça se réincarne 24 heures sur 24 à travers le corps, l'âme de l'homme et toute sa vie. À travers ce canal réincarnationnel, il y a tout ce qu'il faut pour vous manipuler de façon à vous faire sécréter émotivement. Alors, vous nourrissez le monde de la mort, vous n'êtes pas vous-même. Ça veut dire quoi ne pas être soi-même? Ça veut simplement dire qu'il pleut. Et puis que dans votre âme, on vient vous stimuler pour vous donner le goût du soleil. Alors, vous vous levez le matin, puis vous regardez, puis vous dites « Ah, maudit mauvais temps! » Vous sécrétez. C'est très, très, très, très simple. La pluie est votre maître, contrôleur psychologique. Quand l'humain vient encore me dire qu'il n'est pas manipulé, lui, c'est très facile de le mettre en colère. C'est très facile de lui faire honte. C'est très facile de faire n'importe quoi avec lui. Puis quand il ne comprend toujours pas qu'il n'est pas manipulé, « Non, c'est moi qui décide de me mettre en colère, maudit! » Oui, parfait, calme-toi. Ah, je décide de ne pas me calmer. Tu ne peux pas te calmer. Puis quand l'individu est convaincu que c'est encore lui qui est le maître, puis je l'envoie promener. C'est tout. Il me traite de fou, il me traite de n'importe quoi, puis il s'en va totalement manipulé, puis il est convaincu qu'il est libre, et puis c'est fini. Si on est nos seuls maîtres, on détermine ce que nous vivons. C'est ça. Cela veut dire que quelqu'un vous pile sur le pied, ça ne vous dérange pas, parce qu'on n'est pas assez fou pour décider qu'on va se déranger parce qu'on nous pile sur le pied comme ça. On n'est pas assez fou. Si on se dérange, c'est qu'on est manipulé, parce qu'il n'y a pas une personne ici qui est assez folle pour se dire, « Ben voyons donc, moi, je décide de me mettre en colère quand mon club de hockey perd. Je décide. J'ai le droit. Puis quand il gagne, je décide de tout casser la rue Sainte-Catherine ou de crier ou de... Je décide. » Non, non, il n'y a pas un humain ici qui décide cela. Moi, je décide de m'inquiéter à soir. Ma femme, mon mari, mon enfant n'est pas arrivé. Je décide que je m'inquiète. Je suis lucide et je dis, bon, ben là, une heure en retard, je vais m'inquiéter. J'arrive pas. On ne décide pas. On découvre qu'on s'inquiète. Et parce qu'on découvre qu'on s'inquiète et qu'on pense qu'on a un libre arbitre, on en conclut que c'est comme ça, que c'est normal. On est humain. On est humain. Et on peut être un être humain, on peut être un animal humain. On peut être un esclave total, on peut être un maître contrôleur. À travers toute cette phénoménologie de la vie, qui échappe à 99% à la conscience de l'homme, parce que l'être humain décide toujours que c'est lui qui a décidé de faire ce qu'il a fait. À un point tel que souvent, il se demande, « Comment ça se fait que j'ai fait ça? Comment j'ai pu faire ça? J'ai sorti de mes gonds. J'ai perdu mon contrôle. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais faire. » Puis malgré qu'il arrive à dire ça, il n'arrive pas du tout à comprendre qu'il n'a pas de libre arbitre du point de vue de son émotivité. Choisir sa mort, cela veut dire déterminer le fait que si un jour on perd son corps physique, on n'ira pas dans le monde de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nécessairement dire qu'il y a de l'instruction, premièrement, à gober, c'est-à-dire qu'on doit instruire notre corps astral, notre âme, notre psychologie, qu'on n'est pas nécessairement fait pour mourir. Le corps physique, s'il se désagrège parce qu'on a trop pris d'avance sur sa dissolution, tant pis. Mais une fois que le corps physique est parti, il reste nous. Pas longtemps. Il reste nous suffisamment longtemps pour qu'on puisse réanimer un individu qui est en arrêt cardio-respiratoire. Puis en le réanimant, il se rappelle qui il est. Ce n'est pas une réincarnation. C'est une réincarnation, oui, mais dans le même corps physique, mais il se rappelle qui il est. Et il peut parler de ce qu'il a vu. Il était dans le plan moronciel, un plan de transition. Un plan de vie sans corps physique. Il n'a pas encore gagné le monde de la mort. Et celui qui gagne le monde de la mort, le corps physique est légume. Pour 20-30 ans, les machines vont le faire vivre, mais il n'y a plus d'âme dedans. Il ne peut pas en avoir. À moins que par l'intermédiaire d'un être contrôle, on puisse amener un marcheur intérieur, un walk-in, à l'intérieur du corps. Et là, il y aura le même corps qu'une autre psychologie. Ce qu'on ne fait pas dans les hôpitaux. Bon, la famille ne signerait pas de toute façon. Alors, il y a donc cette question à se poser. Pouvons-nous ne pas mourir? Et bien entendu, celui qui vient ce soir à une conférence a choisi sa mort avant qu'elle ne vous choisisse et qui a déjà répondu en disant non, on est obligé de mourir. Espérons qu'il ne va pas écouter la cassette une quarantaine de fois. Ou bien non, j'espère qu'il va se rendre compte qu'il est manipulé à venir ici quand il y a, alors qu'il ne croit même pas au sujet. Choisir sa mort. Ça ne veut pas dire choisir de quelle façon le corps physique va se faire détruire. Ah, moi, j'aimerais mourir d'un accident d'autobus. Ah, moi, d'un avion. Ah, moi, d'une bombe nucléaire. Ah, moi, j'aimerais me suicider. Moi, j'aimerais mourir en dormant sans m'en rendre compte. C'est pas ça, choisir sa mort. C'est pas ça. Ceux qui sont venus pour ça, c'est dommage. Par contre, choisir de quelle façon nous allons vivre l'état de mort. Si nous la vivons, parce qu'il y a toujours la probabilité que certains humains vont être capables d'expandre la longévité de leur corps physique et à un moment donné parvenir à l'éthérifier, donc à ne pas mourir du corps physique, à moins que volontairement ils décident de l'abandonner, mais là on ne peut même plus parler de mort physique. Mais en admettant que vous allez perdre votre corps physique, il y a effectivement une attitude mentale, pas un truc, une attitude mentale qui se développe tout au long de sa vie, et qui permet à l'être humain, lorsqu'il perd le corps physique, de ne pas gagner le monde de la mort. Le Nazaréen, il y a un peu moins de 2000 ans, a ouvert les portes du ciel à l'homme. Avant, l'homme mourait. Après le passage du Nazaréen, on dit dans l'histoire théologique que l'homme a maintenant la possibilité de vie éternelle. Il n'a pas ouvert les portes pour que l'homme entre dans le ciel. Il a ouvert les portes pour que l'homme puisse en sortir. Le ciel est le monde de la mort. C'est là où vont les âmes à la mort du corps. Et dans le monde de la mort, il y a la mort. Il y a possibilité que dans l'attitude mentale particulière de l'être humain, que l'être humain puisse, s'il perd son corps physique, avoir suffisamment d'instructions, de mémoire, d'intervention, et de savoir et de connaissances pour être capable de se reconnaître dans le plan moronciel et de découvrir qu'il vient de quitter le corps physique, de ne pas avoir peur, parce que s'il a peur, il va rechercher la sécurité. Alors, du monde de la mort va venir des êtres de lumière qui vont lui expliquer qu'il doit monter, et il va monter sécurisé, et il va gagner le monde de la mort et il capote. Il doit donc avoir suffisamment d'informations pour être capable de se retrouver là, ne pas avoir peur, ne pas rechercher la sécurité et être capable maintenant de décoder ce qu'il perçoit. On pourrait dire d'observer et de comprendre. Être capable de voir plus loin que le bout de son âme. Un être de lumière vient le voir. et c'est son père, son grand-père. Et il doit être capable de refuser de le suivre. Et il ne doit pas non plus se rapprocher du monde planétaire. Ça va créer un fantôme, ce ne sera pas mieux. Il doit avoir la faculté de rester dans le plan moronciel, dans le plan de transition, en attendant qu'un corps physique un jour soit constitué, un corps physique qui lui permette de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on doit déjà comprendre un peu différemment la mécanicité même de la réincarnation. C'est-à-dire que c'est le corps physique qui détermine ce qui vient dedans. Ce n'est jamais ce qui rentre dans un corps physique qui choisit le corps physique. Le corps physique a un cerveau pour exprimer de l'intelligence, des mémoires de l'âme intelligente peuvent se incarner dedans. Le corps physique a la faculté de permettre l'athlétisme. Des mémoires d'athlètes s'incarnent aussi, mélangées à celui de l'intelligence. Mais le corps physique est handicapé, des mémoires d'handicapés s'incarnent dedans. Il ne souffrira pas, à moins qu'on l'éduque à souffrir. Il n'a pas de cerveau pour permettre la communication, il n'y a pas de mémoire de communicant qui pénètre. Donc l'individu n'en souffre pas. Alors, celui qui est dans le plan moronciel, celui qui a perdu le corps physique et qui a la faculté d'attendre, à un moment donné, il va se sentir attiré par le monde de la vie physique, par le monde de la matière, et il aura la faculté de s'incarner en même temps que des mémoires réincarnationnelles à l'intérieur de deux cellules, d'un fœtus, d'un enfant. Et lentement, il va prendre le contrôle de l'enfant, et finalement, il va être capable de se reconnaître, et il se sera maintenant incarné en se rappelant totalement qui il a été. Il n'est pas mort. De temps en temps, certaines personnes aiment bien triper sur l'idée du Dalai Lama qui, à travers des milliers d'années, se réincarne. Bon, bien, si le Dalai Lama est capable de le faire, imaginez-vous un Tibétain. On devrait être capable, nous autres aussi. On dit que certaines personnes dans le passé ont vécu 900 ans. Pas nécessairement leur corps physique. Si on ne parle pas de ça, on dit que Moïse, on dit qu'Abraham, on dit que d'autres ont vécu des centaines d'années. Oh, mais à l'époque, on ne comptait pas le temps comme aujourd'hui. Mais il y en a qui mouraient à 35 ans. Est-ce qu'ils sont morts après 30 jours? Puis ils étaient adultes. Alors, si on ne comptait pas le temps, on ne comptait pas, on le comptait comme pour une personne, on le comptait en termes de rotation solaire, de translation, et pour un autre côté en termes de rotation lunaire, je ne sais pas. On peut s'amuser à mettre des théories. Alors, il y a des facteurs, des mécanicités qui ne sont, disons que c'est utopique, disons que c'est farfelu ce que je dis. Même si moi je serais à votre place et que j'écouterais un gars en avant qui dit ça, je me dirais, en admettant que c'est farfelu, qu'ai-je à perdre d'essayer? Tout d'un coup que ce soit vrai, eh bien, je serai prêt. Si c'est faux, ça aura changé quoi? Absolument rien. Si finalement, à travers ce que j'apprends, je fais tout cela, je meurs, me ramasse dans le monde de la mort pareil, puis un Dieu qui m'attend à bras ouverts, ou Saint-Pierre avec une planche de bois, puis s'il faut, il ne faut pas faire de mauvaises pensées quand je passe dessus, sinon je tombe. Bien, ça change quoi à quoi? Ça ne change rien. Je me serai entraîné pendant ma vie planétaire à devenir mon maître, à cesser d'être manipulé, à ne pas être colérique, à ne pas être violent, à me contrôler mieux. Je pense que ça ne peut pas nuire en haut. Puis si ça nuit en haut, ben j'aurais manqué mon coup. Mais de toute façon, celui qui est sur le plan planétaire, il ne sait pas plus. Donc, en partant, qu'il fasse un choix ou un autre choix, il peut manquer son coup. Fait que de toute façon, moi, je me dirais autant prendre le choix qui me semble le plus intelligent. S'il n'y a plus rien après, puis rien, ben, il n'y aura plus rien. Puis s'il y a de quoi, ben, j'aurais été préparé. Oh, c'est simplement logique. Vous savez, Saint-Pierre, il n'est plus là pour garder de toute façon, parce qu'il y a Marilyn Monroe, quand elle est morte, elle est allée, puis Saint-Pierre lui a dit « Tu dois traverser la perche ici sans avoir de mauvaises pensées. » Et puis Marilyn Monroe s'est embarquée sur la perche, puis Saint-Pierre l'a suivi, puis à un moment donné, oups, Saint-Pierre est tombé. Alors, maintenant, c'est d'autres, je ne sais plus quel apôtre. Enfin... Il y a pour choisir sa mort, c'est-à-dire choisir de quelle façon nous allons vivre si le corps physique nous abandonne. Il y a des choses qui doivent être organisées. Ça ne veut pas dire que l'humain doit commencer à se stresser puis commencer à avoir peur. Déjà qu'on a peur des 10 prochaines années, qu'on a peur d'une guerre nucléaire, qu'on a peur de l'avenir, qu'on pense à notre retraite. Là, en plus, si je vous dis qu'on doit préparer nos 5 prochaines réincarnations, il ne faut pas non plus qu'on commence à s'angoisser maintenant pour les 500 prochaines années. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que tous, vous devriez faire quelque chose. Première chose à faire, c'est juste de préparer un chemin. Un chemin pour que ceux qui vont vivre après vous, si un jour vous vous incarnez dedans, puissent vous redonner ce qui vous appartient. De façon à ne pas avoir, sans cesse, à recommencer toute sa vie, exclusivement par le fait que notre société n'est pas préparée à reconnaître celui à qui ça appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit simplement préparer dans son testament, un testament qui s'échelonne sur, disons, 500 ans. Ah, c'est légal. Ça ne s'est jamais fait, mais c'est légal. Un testament qui dit que vous léguez à vos enfants, par exemple, ou à votre voisin. Les gens, c'est comme j'ai déjà donné des conférences sur comment arriver à manipuler le phénomène de l'argent. Et puis les gens, ils comprennent tout, puis ils font rien. Bon, vous pouvez aussi ne rien faire. Mais c'est quand même à penser. C'est quand même pas si complexe. Alors, une fois qu'on a légué ça, on lègue aussi peut-être un bijou qui nous appartient, qu'on a fait faire pour nous. Faites-le faire en acier inoxydable, en aluminium, si ce n'est pas d'argent. C'est pas grave, mais quelque chose qui vous appartient. Et quand si on meurt, on lègue ça à celui qu'on veut. La caisse, personne n'y touche. Celui qui touchera à la caisse sera celui qui sera capable, avant l'âge de 7 ans, de reconnaître les bijoux, de reconnaître certaines choses que j'aurai léguées. Et dans mon testament, je dis que la personne conserve tout ce que je lègue à l'exclusive condition qu'elle conserve toujours. Les bijoux. Elle ne peut pas ni les vendre ni les perdre. Parce qu'automatiquement, tout lui est retiré, c'est la condition testamentaire. Et si à un moment donné, un enfant dans la famille reconnaît les bijoux à un âge qui sera l'âge légal de l'époque, tout ce que j'ai légué à tous mes descendants devront lui revenir de droit. Et on ne rajoute pas, parce que ce sera moi. Parce que là, le notaire est... quand même est écologique. Et là, on va dire, oui, mais tout d'un coup, c'est pas vrai, ça, puis après. Le petit jeune torieux qui saura tout reconnaître, bien, il y aura plus de chance, c'est tout. Pourquoi le coffre, lui, pourra l'ouvrir. Puis dedans, il y aura des probabilités de ce qu'il aura déjà fait dans une autre vie. Et il y a des grandes chances que s'il était capable de dire, ma tante, ça, c'est à moi. Ou encore, ça appartenait à quelqu'un, puis celui-là avec. Et puis telle chose aussi. S'il a la faculté de retracer ces choses-là, il y a des fortes chances que les papiers qu'il va avoir dans le petit coffre, ça lui plaise. Et à 18 ans en plus, tout ce qui a été fructifié à travers les années lui revient. Alors, vous avez parti d'une compagnie qui fabriquait des sus. 200 ans après, c'est une multinationale. Parce que vous avez légué tout ce que vous avez bâti à des gens qui l'ont continué, qui l'ont préservé, qui l'ont entretenu, parce que c'était des conditions. Et puis, 200 ans après, bien, il y a un enfant qui arrive, qui reconnaît les cossins, puis qui se rappelle qu'il y a des perceptions, les Québécois vont dire des feelings, qu'il a déjà été, lui, la photo qui est sur le mur. Il suffit juste qu'il prouve, et puis après ça, tout lui appartient. Et nécessairement, s'il est éduqué convenablement, il ne mettra pas tout le monde dehors. Mais il bénéficiera de ce qu'il a déjà commencé à construire 200 ans avant. En admettant que, mémoriellement, vous gagnez le monde de la mort, vous êtes dilué, disparatisé, ça ne changera rien que la réincarnation se fait normalement dans les lignées familiales. Normalement. La génétique des parents induit une génétique qui, finalement, est reconnue par les... parce qu'il a déjà vécu dans la famille. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'Antiquité, on conservait le sang familial, le sang royal. Ceux qui n'ont jamais d'enfants, ça ne change rien. Il y aura toujours des biologies qui, à un moment donné, vont être capables de les attirer. Et lorsqu'on est disparu dans le monde de la mort et qu'on a laissé des traces comme le petit coffret, comme une bague, comme une armoirie, ça servait à ça, les armoiries. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils le faisaient bien. Comme n'importe quoi. Une montre en or, une montre en argent, un quelque chose qui semble avoir de la valeur psychologique pour que l'individu le conserve. Eh bien, quand le corps physique arrive et que le corps physique tourne autour de ça, ça permet aux mémoires qui ont été digérées dans le monde de la mort de se réincarner en fonction des ondes de forme de ceux qui vont porter les choses. Alors, lentement, même si vous ne savez pas qui vous êtes, tout ce qui a été dispersé a des chances de se retrouver dans le même corps. Alors, si vous n'avez pas faculté de survie d'attendre dans le plan moronciel qu'un corps vous attire, bien, de toute façon, la mécanique que vous aurez laissée sur le plan planétaire, mieux qu'une momification, aura peut-être la faculté de retracer tout ce qui aura été dispersé et de recréer quelque chose qui va avoir, pendant les 3-4 premières années de sa vie, des déclics, des fusions, des replaces. Et puis, à un moment donné, l'individu, l'enfant, va être capable aussi d'avoir l'idée qu'il a peut-être été l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère. Ça, c'est une chose. Juste de laisser des traces dans la condition de sa vie, juste au cas que ce soit vrai, pour ne pas avoir à recommencer ce qu'on vient de faire. On vit! On vient au monde, on travaille comme des fous à l'école, on fait de la retenue, on écrit 3000 fois, je recommencerai plus ça en classe. On finit par être diplômé, on devient chômeur ou on se trouve une job dans un autre domaine qu'on avait étudié. C'est la vie courante. Et puis, par la suite, on ramasse un peu d'argent, on en dépense un peu, on en perd, on en ramasse d'autres, on déménage, on se marie, on divorce, on a des enfants qui nous donnent de la marde rendus plus vieux. Pas dans tous les cas, mais quand même. On se casse la gueule une fois ou deux, on va à l'hôpital, on est malade, on va pas voir le médecin parce qu'il va nous découvrir des maladies qu'on veut pas avoir, mais qu'on a quand même. Et puis, à un moment donné, à travers tout ce qu'on aura voulu bâtir dans notre vie, les 50, 60, 80, 100, 120 années qu'on aura passé dans un corps physique, à essayer simplement de s'en sortir, à essayer de comprendre, à accumuler des bibliothèques que nos enfants vont carrément brûler, dans le testament, ils doivent les conserver, à faire ceci ou cela, puis finalement, on meurt. Puis on quoi la réincarnation? Bien, un jour, on revient, puis on recommence. On doit naître dans un monde qui a été évolué pendant notre absence. On doit naître dans un monde qui va être capable de nous supporter pour qu'on ne recommence pas et pour qu'on ait la faculté rapide de se rappeler et pour qu'on puisse simplement continuer plutôt que de recommencer. Juste au cas, eh bien, on prépare simplement des signes pour que nous, si nous revenons, nous puissions reconnaître les signes. Quels que soient les signes, c'est à l'individu de déterminer. Certaines choses ont de la valeur. Alors, il s'arrange simplement pour les placer sur le testament. C'est sûr que si c'est une montre en métal, elle va rouiller, elle risque de ne plus être là. Et dans le testament, bien, ce sont des conditions sine qua non. On lègue ceci à machin chouette qui ne devra jamais la vendre. Ça devient un délit, je crois, criminel s'il le fait. Vous ne serez pas là pour le poursuivre, mais quand même. Et on laisse machin chouette gardien, et on laisse ceci, et on laisse cela. Même si on n'a pas grand-chose, vous savez, vous avez en masse de choses à léguer, mais bien souvent, on n'en met pas la valeur parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Mais si on se posait la question, si je reviens, en aurais-je encore besoin? Tous mes livres, je lègue ça à qui? Je lègue ça à personne. Je lègue ça à ma tante qui va vendre ça, qui va donner ça, ou je donne ça. Avant de se débarrasser de tout, peut-être qu'on devrait juste s'arranger pour, je lègue ça à l'hôpital Sainte-Justine, toute ma bibliothèque. Et si un jour, une personne en dedans de tel âge reconnaît telle chose, tous ses livres devront lui être remis, bien, Saint-Justine va simplement devenir le gardien de vos livres. C'est légal. Et nécessairement, si le testament en arrive là, puis qu'il y a quelqu'un qui reconnaît les choses, ils n'auront pas le choix de les remettre. Peut-être que vous allez dire, gardez-les, mais je veux y avoir accès. Peut-être vous allez dire, gardez-les, je ne les veux plus. Peut-être vous allez dire, bien, justement, j'aimerais bien les revoir. Juste au cas. On prépare. Avant de dire, « Oh, je suis rendu à un certain âge, je fais que... » Pour recommencer, juste au cas, choisir sa mort avant qu'elle ne nous choisisse, bien, c'est déjà un peu ça. On risque d'être capable d'avoir un retour de vie qui va nous plaire. Ça, c'est choisir sa vie avant, choisir sa prochaine réincarnation avant qu'elle nous choisisse. Bon. Mais l'être humain a aussi la faculté de ne pas aller dans le monde de la mort et de ne pas donc vivre cette dissolution totale. Je reviens. S'il est dissous, il a quand même déjà préparé sa mort. Il a choisi sa mort avant que la mort ne le choisisse. Il a préparé des traces dans la matière qui vont faire en sorte d'obliger presque d'une façon conditionnelle tout ce qu'il a été à se retrouver dans le même corps. Alors, dans son testament, il peut dire que si un enfant du même sexe que moi, et si à tel âge il dénote telle sensibilité, tel désir, telle capacité, tel don, telle qualité, tel défaut, autrement dit, un enfant qui vous ressemble comme vous êtes maintenant, lui doit avoir accès à telle chose. Puis si à un moment donné, l'enfant dit telle chose, bien, le testament fait que tout lui revient. Il y a plusieurs manières. Chaque individu doit vérifier de quelle façon il veut laisser des traces, traces que lui va reconnaître. C'est pas dire, bon, ben tiens, on vient de me donner ça en cadeau, ben tiens, je le lègue. Ça n'a aucune importance pour vous. Donc, ça ne fait pas partie de ce qui va se réincarner. Il y a quelque chose que vous avez toujours amené avec vous, que vous avez toujours porté, que vous avez toujours vénéré. Il n'y a rien. À un moment donné, vous trouvez quelque chose. Vous allez simplement vous faire faire une bague, un cossin, un symbole, qui va être vous, que vous ne portez peut-être pas, mais que vous placez sur le testament, que vous mettez dans un coffre ou que vous organisez pour ne pas perdre. Et là, ça leur a une valeur. Ça pourrait être reconnu. Lorsqu'un enfant de 4 ans, 3 ans, au Tibet, à un moment donné, voit des moines arriver, le moine qui est le plus gradé s'habille en serviteur, le serviteur s'habille en moine gradé, et on a le feeling astrologique dans telle partie du Tibet, il y a probablement, dans le testament, le Dalai Lama a dit simplement que je renaîtrai dans une ville commençant par un cas et sous une maison avec un toit vert. Ben, il détermine déjà c'est des choses que vous devez faire. Et à un moment donné, eh bien là, le serviteur, il arrive là, et puis il rencontre la famille. Il y a plusieurs toits verts, fait qu'il fait tout, il fait le tour au complet. Il y a plusieurs que villages commencent par quoi, ils font le tour au complet. Et puis, il va rencontrer le serviteur, les enfants, il s'amuse avec, discute avec. Et puis, il parle avec les parents. On recherche le Dalai Lama, mais ça, les parents ne le savent pas. Et à un moment donné, l'enfant va, on va lui dire, « Regarde, mon serviteur a 5 colliers sur lui. Choisis d'en don un, je te le donne. » Là, l'enfant, il va voir le serviteur. Et puis, il choisit un collier. Le dernier de Dalai Lama qui est présentement vivant, il a regardé le serviteur et lui a dit, « Hé, t'es pas le serviteur, c'est lui le serviteur. » Les parents ont été offusqués, mais totalement, traités de serviteur le maître. Mais finalement, c'est le serviteur déguisé. Ils n'ont pas chicané l'enfant tout de suite, parce qu'il y avait quand même des personnages trop importants, ils se préparaient. C'est assez violent là-bas. Alors, on lui a dit, « Choisis un collier. » Et il a pris un collier, le plus laid. Celui que personne ne choisit. Parce qu'on a un collier en argent, un collier en or, un collier en bois, puis on a un collier en d'autres choses. Le plus laid. La clé. Il le choisit. Il le met autour de son cou. Et ce n'est pas suffisant pour les moines. Alors, à un moment donné, on va lui tendre une table et on va avoir un paquet de bagues. Et on va lui dire, tiens, choisis-en dans une pour le fun, un cadeau. Et il choisit celle qui est sur la main du bonhomme. Alors, on reconnaît le Dalai Lama. On va l'instruire. À 7 ans, il prend en charge tout le pays et la religion bouddhiste. Vous n'êtes pas des Dalai Lama. Simplement parce que vous ne préparez pas vos prochaines vies, juste au cas. Si vous seriez des joueurs de poker, de blackjack, de loterie, vous avez une chance sur deux que j'aie raison. Une chance sur deux, tous les joueurs la prendraient. Et elle ne coûte à peu près rien. tous les joueurs la prendraient. Une chance sur deux que ce soit vrai. Une chance sur deux qu'on revienne. Pas une chance sur deux qu'on revienne. C'est juste pour mettre ça égal. Alors, on l'essaye. Un plan moron ciel. Un plan de transition. Un plan de transition où tout ce qui vous constitue du point de vue énergétique peut être placé. Un endroit où tous les âmes vont. Les âmes y vont et ils ont quelques secondes à quelques minutes pour vérifier si elles ont préparé leur mort. N'ayant pas préparé leur mort, des instructions qui guident les âmes qui ne savent pas quoi faire viennent les rejoindre, que ce soit provenant de la planète Terre, par les prières de certains monastères qui font des prières pour diriger les âmes perdues, que ce soit du monde de la mort, par simplement descendre de phénomènes lumineux pour venir chercher les âmes perdues. Et maintenant, l'âme suit le canal, suit le chemin, gagne le monde de la mort et est totalement perdue. Elle meurt de la deuxième mort. Elle meurt. Vous allez dans le monde de la mort. Vous êtes mort. Alors, vous allez voir votre corps physique. Vous allez observer un paquet de monde qui court. Vous allez observer peut-être l'auto accidenté, votre lit, vous allez peut-être observer la maison qui brûle, vous allez observer quelque chose. Normalement, l'individu qui meurt d'une mort violente ne comprend pas qu'il est mort, il ne sait pas qu'il est mort. Alors, ça lui prend un laps de temps avant de s'en rendre compte. L'individu est mort, il se rend compte qu'il n'est pas dans son corps physique, donc il fait un voyage astral, ou qu'il est simplement d'une façon bizarre, quelque chose ailleurs. Et il doit observer une seule chose. Tout ce qui est lumineux. Alors, il va voir des êtres de lumière. Il doit les observer. Il va voir un endroit loin où il semble, d'où semble sortir de la lumière. Une lumière comme il n'en a jamais goûté, une lumière qui n'est pas atténuée par ses yeux, par la matière de son corps physique, parce que maintenant, il la voit sans corps physique. Alors, il va avoir l'impression d'avoir une source de lumière vive jaillir de quelque part. Et les êtres de lumière vont se former à même cette lumière. Et ils vont lui dire, « Viens! » Et celui qui est préparé va dire, « Minute! » Et il va simplement attendre pour voir s'il ne verrait pas quelque chose de plus lumineux. C'est pourquoi on doit être un peu plus préparé. Et on doit ne pas avoir peur pour ne pas dire, ne pas se garrocher dans la première main qui se tend vers nous. Alors l'individu qui est l'âme va donc commencer à tourner, observer, attendre. Et s'il a préparé convenablement sa mort, quelque chose de lumineux va apparaître, quelque chose qui va être plus puissant, plus luminescent, plus éclatant que l'endroit d'où jaillit la lumière est plus éclatant que tous les êtres de lumière. Alors, lentement, il va tendre à se diriger, parce qu'il est préparé, vers ce phénomène qui prend du temps à apparaître, mais qui devient plus lumineux que ce qui était déjà là, et il se dirige vers ces choses. Et il va rencontrer des êtres de lumière, d'une lumière beaucoup plus puissante. La lumière première qu'il aura vue sera presque de la noirceur comparée à l'éclatement de ce qu'il verra en deuxième, s'il attend. Alors, il se dirigera vers ces lumières et se rencontrera qu'il y a des êtres de lumière là, et qu'aucun de ces êtres de lumière ne vient le voir, qu'aucun de ces êtres de lumière ne vient lui parler, qu'aucun de ces êtres de lumière ne l'approche. Alors, il pourra cheminer à travers ces êtres de lumière jusqu'à un moment donné où il va découvrir quelque chose, un être de lumière qui ne semble pas bouger, un être de lumière qui ne s'éloigne pas de lui. Parce qu'il va essayer de s'approcher des êtres de lumière, mais il s'approche et la distance ne décroît pas. Et à un moment donné, il y aura un être de lumière. Alors, il va s'approcher de cet être de lumière et il va trouver que cet être de lumière ressemble énormément à lui. C'est ce qu'on appelle un double éthérique. Et qu'il le veuille ou pas, il va s'engouffrer dedans. Il est maintenant un être de lumière dans le plan moronciel. Il ne peut pas gagner le monde de la mort. Il est immortel. Et il va maintenant faire comme les autres êtres de lumière. Sans jamais attendre, il attendra. Sans jamais être patient, il patientera. Et sans jamais être impatient. Parce que dans cet état de vie, le temps n'a absolument pas la saveur que nous connaissons ici. Alors, en un millième de seconde, il se réincarne 200 ans après sa mort physique à l'échelle de notre planète. Ce n'est vraiment pas une longue attente. Et maintenant, il ne va qu'attendre. Il va communiquer avec les autres êtres de lumière. Il va communiquer avec certains phénomènes sur le plan planétaire. Et il va attendre qu'à un moment donné, des parents nouveaux bien engendrer un corps physique qui va lui permettre de revenir dedans. Ou bien il va attendre que sa lignée familiale engendre par génétique un corps physique qui va ressembler à l'arrière-grand-père ou au grand-père ou à l'arrière-arrière-grand-père ou grand-mère. Et à un moment donné, il va se sentir attiré par le corps physique. Pas nécessairement à la naissance. Un être de lumière ne prend possession d'un corps physique que normalement entre 3 et 7 ans. Il va donc venir posséder l'enfant qui est là, un enfant qui n'est pas tellement identifié, un enfant qui a des bonnes facultés. Il va s'associer avec et il va maintenant grandir dedans, se rappelant qui il a été. De quelle façon on crée un double éthérique? Parce que c'est bien beau d'aller voir, mais si on va fouiller à travers les êtres de lumière et on n'en a pas, on ne pourra même pas pénétrer. On ne pourra même pas voir cette lumière plus luminescente que simplement la lumière qui provient du ciel, du monde de la mort. Alors, pour se fabriquer un double éthérique, il faut procéder à certaines choses de notre propre vivant. Ouais. Mieux vaut ne pas trop attendre. Mais il n'est jamais trop tard. Pour faire un double éthérique, ça prend 5 minutes. On a tous au moins ça. Pour accepter le chemin qui nous permet de faire un double éthérique, ça peut prendre 10 000 ans. Alors, mieux vaut ne pas se dire, « Bof, 5 minutes avant de mourir, je m'organiserai. » Certains peuvent être capables. Dans les annales akashiques de la planète Terre, il n'y a pas énormément d'exemples. Et il n'y en a aucun dans la race blanche. De quelle façon on crée un double éthérique? C'est simple. Très, très simple. On prend des particules qui constituent notre âme, on fait éclater ça, on projette ça à l'extérieur de notre corps physique dans le plan moronciel, et puis on engroche le plus possible au courant de sa vie. C'est comme ça. Simple. La semaine prochaine, c'est l'éclatement de l'âme. Évidemment, on va en parler énormément. On va en parler à soir aussi. C'est évident. Quand même. On va élaborer plus. L'être humain doit être capable de faire en sorte que ce qui constitue ce qu'on appelle l'âme devienne une âme pure, une âme qui n'a pas besoin de purgatoire, une âme qui n'a pas besoin d'enfer, et une âme qui est capable de se diriger elle-même, donc qui n'a même pas besoin, qui n'a pas d'attrait spirituel dans le but d'être sauvée. Donc, on doit arriver à créer une âme qui est sauvée. Une âme qui se sauve elle-même, pas une âme qui fuit. Quoique, ça fait plaisir à certaines personnes, on doit avoir une âme qui fuit, qui a des fuites. Alors, de quelle façon on procède? On doit s'arranger pour probablement comprendre de quelle façon est constituée l'âme. Bon. Il y aura des questions dans la deuxième partie. Alors, s'il y a des choses qui sont extrêmement farfelues, vous avez des commentaires ou des choses qu'il faudrait élaborer, bien là, vous poserez vos questions et puis je pourrai élaborer un peu plus parce que je préfère m'ajuster déjà à une masse qui comprend vite. Et puis par la suite, on pose des questions puis on pourra ajuster individuellement. L'âme, c'est un facteur qui nous habite tous, dans laquelle se retrouve la mémoire. Alors, l'enfant qui vient au monde n'a à peu près pas d'âme. Il a une âme, oui. Une âme qui lui permet d'avoir l'instinct animal de téter, il n'a même pas encore la faculté d'avaler convenablement, alors il bave. À un moment donné, il va commencer à avaler sa salive, à déglutir, donc il ne bavera plus. Il n'a pas encore le contrôle de ses sphincters. Il a encore le réflexe de Babinski au niveau de sa plante des pieds. Le cerveau n'est pas encore tout à fait élaboré pour l'annihiler. Et lentement, il acquiert de la mémoire. Et à un moment donné, il a suffisamment de mémoire pour commencer à dire « je »,« moi ». Et à un moment donné, il va dire « non ». Là, il commence à être identifié. Et à un moment donné, il va commencer à souffrir. Pas à souffrir physiquement, à souffrir parce qu'il a faim. Commencer à avoir peur, à s'ennuyer. S'ennuyer surtout. Là, il commence à être humain. Bon. Et lentement, il va apprendre à être jaloux, à se chicaner, à posséder des jouets, à posséder des choses, à faire des mauvais coups. Et il arrive à l'adolescence où il devient un être merveilleux, n'est-ce pas? En tout cas, de son point de vue. Et puis, à travers cela, on ne sait pas trop ce qui va en sortir. On a des adultes qui sont délinquants, on a des adultes qui ne délinquent pas, on a des adultes qui sont tout à fait adaptés, on a des adultes qui sont récupérés, des adultes qui sont nouveaux, des adultes qui sont fonceurs, des adultes qui sont tout à fait marginaux, des adultes qui... Quand la lumière du stop qui flash tombe en panne, paraissent rouges, ben, ils attendent qu'elle passe au vert. Puisque c'est interdit de brûler un feu rouge. Bon, ça fait plusieurs formes d'adultes. Ça, c'est... Le phénomène même de l'âme, la mémoire. L'âme se constitue lentement et l'âme prend de l'expérience. L'âme, c'est ce qui, dans la mémoire, dans la conscience de l'homme, accumule de la mémoire. Cette mémoire finit par amener de l'information neuve sur l'information vieille. Cela engendre une lutte dans l'âme qu'on appelle comparaison et cela va engendrer un désir. Dans l'âme, il y a les désirs, il y a l'émotion, il y a la mémoire. C'est l'âme, c'est le corps astral. Maintenant, cette âme qui prolifère dans l'homme, que j'appelle souvent un virus, qui possède le corps au nom de l'esprit, au nom de l'intelligence, et qui le détruit au nom de l'émotion, au nom de l'homme, au nom de l'âme, cette âme, elle grossit et elle accumule plein d'énergie. L'énergie qu'elle accumule, c'est de l'énergie qui provient de la conscience supramentale, qui provient d'un phénomène extraterrestre. Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres en vaisseau spatial. Là. C'est une énergie qui provient, comme l'énergie solaire, c'est extraterrestre, n'est-ce pas? Ça vient de l'extérieur de notre planète. Et cette énergie, l'intelligence, qu'on appelait aussi l'Esprit Saint dans l'Antiquité, elle descend dans la conscience de l'homme, au niveau cérébral, et elle vient informer, instruire l'homme, former l'homme. Informer, n'est-ce pas? Former à l'intérieur, former l'intérieur de l'homme. Sauf qu'il y a ce virus, cette âme, qui expérimente le contact avec l'intelligence et qui canalise toute l'énergie ou presque toute l'énergie pour en structurer de la mémoire. Dans cette mémoire, elle structurera les concepts qui engendreront la théologie, la croyance, la foi, la science, le cartésianisme et tout ce que l'être humain peut vivre au niveau de sa conscience. Alors, dans l'âme de l'homme, il y a immensément d'énergie. Et cette énergie mal canalisée s'exprime au détriment du corps physique de l'homme par sécrétion endocrinale. Alors, on a donc les phénomènes émotifs. Je donne encore l'exemple que je donne souvent. Vous vous promenez le soir et on vous fait « BOUH !» Puis là, « POUH !» Et puis là, vous reconnaissez l'individu. Vous dites « Ah, maudit niaiseux !» Et puis, 2, 3, 4, 15 secondes après, c'est après. Vous n'avez plus peur psychologiquement. Ça s'est exprimé par les voies hypothalamiennes, en sécrétion endocrinienne, et maintenant, ah, oh, c'est toi, niaiseux, c'est moi qui peur de même. Puis là, on s'en va, puis d'un coup, il y a eu expression endocrinienne. Alors, la peur sera instruite dans votre corps physique, et elle sera exprimée. Et là, vous allez dire, eh, bon, ça passe, vous n'avez plus peur, ça passe. N'empêche que dans le corps physique, l'émotion arrive après le phénomène psychologique, sauf dans certains cas où c'est le corps vital qui réagit. L'âme accumule de l'énergie d'une façon extraordinaire, à un point tel que dans des religions de masse, dans des prières collectives, on peut arriver à des guérisons. On peut arriver à faire en sorte que tout le monde, vous allez émettre juste un peu d'énergie de votre âme pour guérir frère un tel ou sœur une telle. Ça marche. Puis à l'instant qu'on l'a guéri, on veut tout être guéri, tout le monde, fait qu'on n'en émet plus pas en tout, puis les miracles, il n'y en a plus. Ça marche dans les débuts des religions, les miracles, ça ne marche plus après. On accumule cette énergie. Mais il y a une chose. Chaque fois qu'on exprime endocrinalement une émotion, on projette de cette énergie en nourriture pour le monde de la mort. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces forces-là font tout en leur possibilité pour que l'être humain exprime continuellement de l'émotion. joie, pas trop de joie. On s'habitue à la joie. On sécrète plus. Alors, malheur. Alors, là, on sécrète. On s'habitue au malheur, on sécrète plus. Alors, joie. Alors, là, on sécrète. Et on s'en va dans une vie qui vit en forme de sinus. Joie, malheur, qui est très intéressante tout au long de notre vie. Qu'on soit dans n'importe quelle religion, qu'on accrédite n'importe quelle forme de foi, change rien. Ceux qui adoraient Christ, d'une façon géniale, on ne peut plus rien leur faire. Paf, ça ne dérangeait pas. On sort un film, tout frustré tout le monde. Bon. Alors, ça ne change rien. L'être humain qui, dans son âme, accumule cette énergie, qui accumule l'intelligence de ne pas tuer, l'intelligence de ne pas voler, l'intelligence de ne pas faire de mal, l'intelligence d'aider ce qui est plus faible ou d'aider ce qui a besoin d'être, l'intelligence d'être écologique, simplement pour être écologique, l'intelligence d'économiser l'énergie, pas son énergie, l'énergie. Il accumule ça en expérience dans son âme, mais lentement, cela engendre le mental et qui engendre lentement une conscience supramentale, supérieure. Une conscience qui a la faculté d'expliquer à l'être humain des choses qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Mais l'âme accumulant cette énergie, elle la gaspille. Il y a une perte d'énergie totale par le fait qu'on est manipulable. Je viens de méditer, méditation transcendantale ou transsautée ou n'importe quoi. Et puis là, j'accumule de l'énergie, je suis en paix avec moi-même. J'ouvre les yeux, ça fait une heure que je médite. La vie est belle. Et à un moment donné, il y a un coup de vent qui ferme la porte. Flow! Puis là, ça vient de brimer un peu mon énergie. On est manipulé et je viens simplement de perdre ce que le travail que je viens de faire. Tout au long de notre vie, on doit pratiquer les mêmes techniques parce qu'on n'arrive pas à conserver ce qu'on accumule, ce qu'on acquiert. Alors, on doit faire certaines choses. On doit cesser de perdre notre énergie. La première partie de la conférence est terminée. Je vais finir là-dessus en commençant la deuxième.